L'avenir, rien n'est moins sûr à cette heure si jeune et si loin de se douter du pire. Quand tu combats sur tous les fronts, les tâches n'avancent pas et restent qu'elles sont sûres. Tout n'est pas rose, mec, et le week-end ça s'arrose sec. Mes larmes sont mes proses pour ce thème bonheur. Je suis en osmose pour que les choses s'arrangent, que le mal se range pourvu qu'enfin les temps changent. On n'a pas tous l'envie, dans ce monde c'est motivation. Pour que les gens un jour t'envient, retaffer tes textes. Refrain, ton avenir n'est qu'une estimation. Dans les études, t'en tubes, que boulot, mes KO. En attendant, tes potes font des tubes. Commande pas les envieux, mais j'irai là où je veux. Et que Dieu le veuille ou pas, j'y arriverai. Pour chacun est relatif, selon la vie que tu mènes, selon de la vie t'es natif. Si chaque jour tu te démènes, parce que t'as 5 gosses à ton actif. Si t'as le cancer en tant que fumeur passif. J'ignore pas toutes ces choses, alors je m'en plains de rien. Exprime dans mes proses, moi le bonheur j'ai le mien. Caliente, caliente, mes ambiances préférées. Je vais vous expliquer ce qui fait battre mon cœur. V'là la définition sur ce son, hymne au bonheur. Enfin une possession, explosion de bonne humeur. Tout sans cœur, frère, toi et moi on l'a toujours été. On a à cœur d'écrire ce qu'on pense, on l'a dans le sang. Depuis 6 étés qu'on avance, ma famille, mes potes et ma musique. Le foot, les sauts c'est notre équipe, on a tous la réussite en tête. Parce qu'on a qu'une vie, parce qu'elle est trop courte, parce qu'on en doute trop. Le rap nous donne l'envie d'effacer les doutes, écarter les ennuis. Plus de guerre, plus de racisme, ce serait le bonheur, c'est clair. En prime, plus de maladie, plus de haine, encore moins de peine. La colère est en panne, le temps se lève sur Paname. Suis-moi dans mon délire quand y'aura plus de jaloux, quand y'aura plus la bac en bas de chez nous. Quand ta femme est au petit soin, quand tes souhaits se réalisent. Ah, en mode cowboy, pécho le plaisir au lasso. En mode façon bad boy, on lâche pas, on a les gros. J'ride le bonheur en cross pour mon œuvre de boy. On débarque en équipe, équipé, venez braquer l'Elysée. Tu veux kiffer Big Rap selon les cartes. Certains viennent dans mes cartes, d'autres préfèrent le 87 grave. Y'en a pour tous les goûts, y'en a pour tous les choix. Même si tu veux plier tout, ici le bonheur est roi. Ici le bonheur est roi. Neuf de boy, boy. À ceux qui se disent malheureux, qui trouvent le plaisir par le pire. Certains le cacheton pour joyeux, d'autres sous coke construisent leur empire. Et tout le monde s'y retrouve, quoi qu'il en soit. Je suis toujours le plus heureux, des tafs les plus strict. Jusqu'au fin fond de ma street, mec. C'est ça, prise BNR dans les bacs 2007. Caliente, caliente, mes ambiances préférées. Je vais vous expliquer ce qui fait battre mon cœur. V'là la définition sur ce son, hymne au bonheur. Enfin une précession, explosion de bonne humeur. Ah bon. Bonheur, bonheur. Bonheur, bonheur.